Chapitre 23e. Erreur. Marguerite était partie depuis 5 minutes à peine lorsque Mr. Thornton rentra le visage en feu. « Je n'ai pu revenir plus tôt. Le contremaître voulait... « Où est-elle » s'écria-t-il tout à coup, en jetant un regard irrité vers sa mère, qui s'occupait tranquillement de remettre les meubles en place, et ne lui répondit pas sur le champ. « Ouais, Miss Hale ?» répéta-t-il. « Elle est retournée chez elle. »« Retournée chez elle ?»« Oui, elle se sentait beaucoup mieux. » »« Dans le fait, je ne crois pas que la blessure soit bien grave. »« Seulement, il y a des gens qui s'évanouissent pour la moindre chose. » »« Je suis fâché qu'elle soit partie. » dit Mr. Thornton en arpentant la salle à manger d'un air mécontent. Elle n'était pas en état de le faire. Elle disait le contraire, et le médecin aussi, car j'en étais cherché un moi-même. Merci, ma mère. Il s'arrêta et tendit à moitié la main à sa mère pour lui témoigner sa reconnaissance, mais Mrs. Thornton ne vit pas son mouvement. Qu'avez-vous fait de vos Irlandais? Dit-elle. Je leur ai envoyé chercher un bon repas, aux dragons, les pauvres diables. Et heureusement, j'ai mis la main sur le père Grady, et je l'ai prié de leur parler, et de les dissuader de s'en retourner tous ensemble. Comment Miss Hale s'en est-elle allée? Il lui était certainement impossible de marcher. On lui a amené une voiture, et tout s'est fait convenablement. J'ai même payé la voiture. Mais parlons d'autre chose. Elle a déjà causé assez de dérangements. Je ne sais trop où je serai à cette heure sans son intervention. Êtes-vous donc devenu si faible qu'il faille qu'une jeune fille vous défende? Dit Mrs. Thornton avec dédain. Il rougit et répondit. Il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui se fussent exposées comme elle au coup qui était dirigé contre moi. L'amour fait faire bien des choses à une femme, répliqua Mrs. Thornton d'un ton sec. Ma mère! Et il fit un pas en avant, puis demeura immobile. Elle fut un peu effrayée de la force qu'il lui fallait évidemment pour rester calme. Elle était incertaine de la nature de l'émotion qu'elle venait de provoquer. Elle n'était certaine que de sa violence. Était-ce de la colère? Les yeux de son fils brillaient. Ses narines étaient dilatées, sa respiration courte et sifflante. Il ressentait un mélange de joie, de colère, d'orgueil, de surprise ravie, de doute haletant. Même Mrs. Thornton ne pouvait comprendre tout cela. Elle éprouvait donc le malaise que produit toujours la vue d'un sentiment violent dont on ignore la cause ou pour lequel on n'a pas de sympathie. Elle continua de ranger la chambre et garda quelque temps le silence. Lorsqu'elle parla de nouveau, ce fut d'un air contraint. « Vous avez sans doute pris quelques mesures au sujet des émeutiers, » dit-elle à son fils. « Vous ne craignez pas qu'il ne se livre à de nouvelles violences, j'espère ?»« Où était donc la police ? Elle n'est jamais là quand on a besoin d'elle. »« Au contraire, j'ai vu 3 ou 4 de ces hommes luttant et distribuant des coups à qui mieux quand les portes ont cédé. »« D'autres sont accourus comme les émeutiers sortiraient. Si j'avais songé dans le moment, j'aurais pu en faire arrêter quelques-uns. Mais ce ne sera pas difficile. Nous ne manquerons pas de témoins qui attesteront leur identité. » Mais ne reviendront-ils pas cette nuit? Je vais m'occuper de faire garder la fabrique. J'ai rendez-vous à ce sujet dans une demi-heure avec le capitaine Embury à la station. Il faut que vous preniez votre thé avant d'y aller. Mon thé? En fait, oui, cela vaudra mieux, car il est 6h30, et je serai peut-être longtemps dehors. Ne m'attendez pas ce soir, ma mère, je vous en prie. Quoi? Vous croyez que j'irai me coucher avant de vous avoir vu rentrer sain et sauf? « Je vois que vous n'en ferez rien. » Puis il hésita un moment. « Mais si j'ai le temps, je ferai le tour par Crampton. Après que j'aurai pris des arrangements avec la police et que j'aurai parlé à Hamper et à Clarkson. » Leurs yeux se rencontrèrent. Ils se regardèrent fixement pendant 1 minute, puis Mrs. Thornton dit « Pourquoi voulez-vous faire le tour par Crampton ?»« Pour m'informer de la santé de Miss Hale. » »« J'y enverrai. » Il faut d'ailleurs que William lui porte ce lido qu'elle est venue chercher. Il demandera en même temps de ses nouvelles. Je veux y aller moi-même. Ce n'est donc pas seulement pour avoir de ses nouvelles. C'est aussi pour la remercier du courage avec lequel elle s'est jetée entre moi et les émeutiers. Mais pourquoi étiez-vous descendu ? c'était mettre la tête dans la gueule du lion. Il la regarda attentivement. Il vit qu'elle ignorait ce qui s'était passé entre Marguerite et lui dans le salon, et répondit à sa question par une autre question. « Craignez-vous de rester sans moi jusqu'à ce que je vous envoie quelques officiers de police ? Ou aimez-vous mieux que j'envoie William les chercher pendant que nous prendrons le thé ? Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que je sorte d'ici à un quart d'heure. » Mrs. Thornton quitta la chambre. Ses domestiques s'étonnèrent de la manière confuse et incertaine dont elle leur donnait des ordres, elle qui parlait habituellement d'un ton si décidé et si péremptoire. Mr. Thornton resta dans la salle à manger, s'efforçant de songer à ses affaires, mais ne pensant en réalité qu'à Marguerite. Tout était pour lui vague et confus, excepté le souvenir de ses bras passés autour de son cou, de ce doux fardeau à la pensée duquel se colorait son mâle visage. Le thé eût été des plus silencieux, si Fanny ne se fût livrée à une longue description de ce qu'elle avait éprouvé, racontant combien elle avait eu peur, comment elle avait cru les hommes partis, et comment elle s'était sentie défaillir et avait tremblé de tous ses membres. « Là, en voilà assez, » dit Mr. Thornton en se levant de table. « La réalité me paraît suffisante. » Il allait quitter la chambre lorsque sa mère l'arrêta en lui posant sa main sur le bras. « Vous reviendrez avant d'aller chez les Hale ?» dit-elle à voix basse et d'un air inquiet. « Pourquoi ? Pensez-vous qu'il soit trop tard et que cela les dérange ?»« John, revenez-moi pour ce soir seulement. Il serait trop tard pour Mrs. Hale. »« Mais ce n'est pas pour cela. Demain, vous... Revenez ce soir, John. » Elle avait rarement prié son fils. Elle était trop fière pour cela. Mais elle ne l'avait jamais prié en vain. J'en reviendrai droit ici dès que j'aurai terminé mes affaires. N'oublie pas d'envoyer demander de leurs nouvelles, de ces nouvelles. » Mrs. Thornton ne fut pas pour Fanny, en l'absence de son fils, une compagne trop communicative, ni même un auditeur très attentif. Mais lorsque celui-ci fut revenu, elle se montra vivement intéressée au récit qui lui fit des mesures qu'il avait prises pour se préserver à l'avenir, ainsi que ceux qu'il lui plaisait d'employer, d'attaques et d'outrages semblables à ceux qu'il avait eu à subir pendant la journée. Il marchait droit à son but. Le châtiment et la souffrance étaient à ses yeux le juste partage de ceux qui avaient pris part à la révolte. Cela était nécessaire à la protection de la propriété, comme à l'exécution de la libre volonté du propriétaire. « Ma mère, » dit-il, « vous savez ce que j'ai à dire à Miss Hale ?» Cette question surprit Mrs. Thornton au milieu d'une pause durant laquelle elle, du moins, avait oublié Marguerite. Elle leva les yeux vers son fils. « Oui, je le sais, » dit-elle enfin. « Vous ne pouvez guère faire autrement. »« Je ne peux guère faire autrement. Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire qu'après qu'elle s'est laissée entraîner aussi loin par ses sentiments, je vous considère comme engagé d'honneur. »« Engagé d'honneur ?» répéta Thornton avec mépris. « Je crains que l'honneur n'ait rien à voir là-dedans. » Entraîné par ses sentiments, de quels sentiments voulez-vous parler ? Voyons, John, il n'est pas nécessaire de vous mettre en colère. Ne s'est-elle pas élancée sur le perron ? Ne s'est-elle pas attachée à vous pour vous préserver du danger ? Oui, c'est vrai. Et cependant, ma mère, dit-il en s'arrêtant devant Mrs. Thornton, je n'ose espérer. Je n'avais jamais manqué de courage jusqu'ici, mais je ne puis croire qu'une semblable créature ait de l'affection pour moi. « Ne faites pas d'enfantillage, John. Une semblable créature. On dirait à vous entendre qu'il s'agit de la fille d'un duc. Et quelle autre preuve de son affection vous faut-il, je vous le demande ? Je crois sans peine qu'elle a eu à lutter contre ce sentiment de fierté aristocratique. Mais je ne l'en aime que mieux d'avoir fini par voir clair dans son cœur. C'est beaucoup pour moi de dire cela, » continua Mrs. Thornton en souriant, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. Car à dater de demain, je n'aurai plus que la seconde place dans votre cœur. C'était pour avoir encore à moi tout entier quelques heures de plus que je vous ai demandé de ne pas aller chez elle avant demain matin. Ma bonne mère, s'écria Mr. Thornton. Mais l'amour est égoïste, et au bout de quelques minutes, il en revint à ses craintes et à ses espérances. Mais je sais qu'elle ne m'aime pas. Je me jetterai à ses pieds, il le faut. Quand je n'aurai qu'une chance de succès sur 1000, sur 1 million, je le ferai encore. Ne craignez rien, dit Mrs. Thornton, oubliant le chagrin qu'elle avait ressenti du peu d'attention qu'avait donné son fils à l'expression cependant si rare de sa tendresse maternelle, à l'aveu de cette jalousie qui trahissait l'intensité de son affection. Ne craignez rien. Pour ce qui est de l'amour, elle est peut-être digne de vous, car il doit lui en avoir coûté beaucoup de vaincre son orgueil. Ne vous effrayez pas, John, répéta-t-elle en l'embrassant pour lui dire bonsoir. Et elle sortira d'un pas calme et digne. Mais lorsqu'elle fut dans sa chambre, elle enferma la porte à clé et se prit à verser des larmes amères. Quand Marguerite entra dans le salon où son père et sa mère étaient encore causant entre eux à voix basse, elle était extrêmement pâle et fatiguée. Elle s'approcha d'eux et dit « Mrs. Thornton enverra le lido, maman. Comme tu parais fatiguée. Il fait donc bien chaud. Très chaud, et puis les rues sont encore peu agitées par suite de la grève. » Et le visage de Marguerite se couvrit de vives couleurs, mais elles ne durèrent qu'un instant. « Bessie Higgins t'a fait demander de venir la voir, mais tu es trop fatiguée pour y aller. » « Oui, maman, je suis trop fatiguée, je n'irai pas. » Marguerite était tremblante et silencieuse, tandis qu'elle préparait le thé. Elle était bien aise de voir son père si occupé de la malade qu'il ne remarquait pas sa pâleur elle-même. Lorsque Mrs. Hale se fut mise au lit, il demeura près d'elle pour lui faire la lecture jusqu'à ce qu'elle s'endormît. Marguerite resta seule. « À présent, je vais penser à tout cela, » se dit-elle. « Je vais tâcher de me le rappeler. Jusqu'ici, je ne l'osais pas, je ne m'en sentais pas la force. » Elle demeura immobile sur sa chaise, les mains jointes, les lèvres serrées, le regard fixe comme celui de quelqu'un qui est en proie à une vision. « Moi qui ai les saines, » pensa-t-elle, « moi qui ai souvent méprisé les autres parce qu'ils laissaient voir leurs émotions, qui les accusaient de manquer d'empire sur eux-mêmes. Faut-il que j'aie été me jeter dans cette mêlée comme une folle romanesque? Cela a-t-il servi à quelque chose? Il est probable que sans moi il serait parti tout de même. » Mais c'était là sauter à pieds joints par-dessus la conclusion raisonnable, comme son jugement droit et sain le lui fit sentir au bout d'un instant. Non, peut-être que non. Je crois que j'ai été utile. Mais quelle idée ai-je de défendre cet homme? Comme si c'eût été un enfant sans... « Ah, il n'est pas étonnant qu'on ait cru que je l'aimais, moi, l'aimer. » Ses joues pâles devinrent tout en feu, et elle couvrit son visage de ses mains. Lorsqu'elle les retira, elles étaient trempées de ses larmes. « Oh, il faut que je sois tombée bien bas pour qu'on ose ainsi parler de moi. Je n'aurais jamais été si bonne pour qu'un autre, justement parce qu'il m'est complètement indifférent, si même il ne m'est pas désagréable. » Je n'en étais que plus désireuse que la justice fût observée. Et il n'était pas juste, continua-t-elle avec véhémence, qu'il resta là, à l'abri, attendant les soldats qui eussent pris ces pauvres insensés comme dans un piège, sans faire un seul effort pour les ramener à la raison. Et il était plus injuste encore à eux de l'attaquer quand il était seul contre tous. Si c'était à refaire, je le ferais encore. Qu'on dise de moi ce qu'on voudra. Si j'empêchais un seul coup, une seule action violente ou cruelle, j'ai agi comme il sied à une femme. Qu'ils m'insultent, s'ils veulent, je suis pure devant Dieu. » Elle releva la tête, et un calme plein de noblesse se répandit sur ses traits. Dixon entra et dit « Miss Marguerite, voici le lido que Mrs. Thornton nous envoie. Il est trop tard pour s'en servir ce soir, car madame est presque endormie, mais elle sera bien aise de l'avoir demain. » « Oui, » dit Marguerite, « remerciez-la beaucoup, pour nous. » Dixon quitta la chambre et revint au bout d'un instant. « Miss Marguerite, le domestique dit qu'il est chargé de demander particulièrement comment vous allez. »« Moi ?» dit Marguerite en se redressant. « Je vais tout à fait bien. Dites-lui que je vais parfaitement bien. » Mais son visage était pâle comme un linge, et il avait un affreux mal de tête. Mr. Hale revint au salon. Il avait laissé sa femme endormie et s'attendait, comme Marguerite s'en aperçut, à trouver dans l'entretien de sa fille quelque amusement et quelque distraction. Elle souffrit sans se plaindre et effleura mille petits sujets de conversation, mais elle ne fit pas même allusion à la grève ni à l'émeute. La seule pensée lui en était odieuse. « Bonsoir, Marguerite, » dit enfin Mr. Hale. « Je me sens disposé à bien dormir, et je souhaite que tu en fasses autant, car ces veilles t'ont fatigué, et cela se voit de reste sur ta figure. Va vite te coucher. Tu en as grand besoin, ma pauvre enfant. Bonne nuit, papa. » Et le sourire forcé disparut, les yeux s'éteignirent, et tous les traits n'exprimèrent plus que la souffrance. Elle se repose enfin de sa laborieuse tâche. Il lui était permis d'être malade et fatiguée jusqu'au lendemain matin. Elle se coucha et demeura dans une immobilité complète. Il lui semblait que remuer, ne fût-ce qu'un de ses doigts, eût été au-dessus de ses forces. Elle était si fatiguée, si abattue, qu'elle ne pouvait dormir. Ses pensées fiévreuses et agitées tenaient à la fois du rêve et de la folie. Elle croyait voir autour d'elle des milliers de figures qui ne l'effrayaient ni ne la menaçaient, mais dont les regards fixés sur elle lui causaient un sentiment de honte si vif et si cruel qu'elle eût voulu être ensevelie dans les entrailles de la terre pour échapper à tant Dieu qui ne la quittait pas.